de 39 graus, Castelo Branco 38, Bragança e Beja 37, Porto Alegre 36, Vila Real 35, 34 graus para Setúbal, 33 Viseu e Guarda, Braga e Santarém 32 graus, Faro 30, Coimbra e Lisboa 29, Penhas Douradas 28, Viana do Castelo 27, Leiria e Funchal 26, Porto 25, 24 graus para Aveiro e Ponta Delgada. Votre réveil matin, c'est Francky. Eh oui, le réveil matin, il est là. Bon dia, la planète et la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. Aujourd'hui, le 21 juillet, ah, ça y est, la canicule est passée. Pour aujourd'hui, c'est clair, au lever du jour, 16 degrés. On ne dépassera pas les 25, voire 26 degrés. 21 juillet, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez passer un message pour les vacances ou avant les vacances, eh bien 02 38 43 48 00. Bon réveil, bon petit déj et bonne douche. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Comme dans un monde qui tourne dans le vide, je décide ce soir de changer ma destinée. Quand tout s'effondre, arrive le signe, cette lueur d'espoir, l'envie de s'élever. Retrouver l'essence de l'envie, redonner un sens à ma vie. Écoutez mon cœur, c'est essentiel, même si rien ne sera plus pareil. Attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui, faisons que nos rêves deviennent réels. Matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Yeah. Dans la radio, belle journée, bon réveil sous le soleil de la radio arc-en-ciel. Un peu nuageux ce matin, mais ça fait du bien. On va parler spectacle de l'été. Ils seront nos invités vers 8h. Liberté, les combats de l'ombre. Ça se passe avec le son et lumière de Cléry. Ça démarre demain jusqu'à fin août, justement. On en parlera en détail tout à l'heure à 8h. Belle journée sous le soleil avec Maria Maria. Fella, don't go notice, the streets are getting hot. Ah, ça, c'est un grand moment de guitare pour nous, hein. L'un des plus grands guitaristes de la planète, Carlos Santana et Maria. Maria, 7h11. Belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Votre réveil matin, et puis je suis pas tout seul avec le bel matin, il y a des gens qui bossent encore. On est avec Bernard au téléphone. Salut Bernard. Bonjour. Ça va bien, la forme? Ça va, impeccable. Ah ouais, il faut se lever, il faut aller travailler. Pas de vacances encore pour toi? Fin de la semaine, bah là je m'en vais à l'opération, là. Opération de la main. Ah, de la main? Tu vas à Aurélien, ça? Ouais. Exactement, ouais. Ouais, bah bon courage à toi, ça va durer combien de temps? On va en principe la matinée, vous m'endormir la main, et puis endormir juste les doigts, pour voir s'il y a quelque chose de cassé ou pas, ou de coupé ou pas coupé, au tendon. Ah d'accord, et après, bah retour à la maison, au repos alors. Exactement. Et les vacances? Et les vacances, c'est pour quand? Une semaine, je prends une petite semaine. Tu vas où? Saint-Jean-de-Mont. Ah, Saint-Jean-de-Mont, c'est en Vendée, ça? C'est en Vendée, exactement. Ok, c'est bien pour se reposer, j'y allais quand j'étais gamin, ça c'est Saint-Jean-de-Mont, c'est l'idéal. Eh bien Bernard, plein de courage pour ta main, plein de belles choses. Oui, et puis aux auditeurs qui n'oublient pas de s'abonner à la radio Arc-en-Ciel. Ouais, c'est vrai. Ça coûte moins de 2 euros par mois. C'est vrai. Et il y a des avantages, voilà, il faut s'abonner à radio Arc-en-Ciel. Voilà, si vous voulez devenir adhérent, bah voilà, une bonne initiative de Bernard. C'est vrai que ça coûte 2 euros par mois, c'est 20 euros à l'année. Même pas. Même pas un paquet de clopes, dis donc. Ouais, exactement. Et en plus, vous aurez plein d'avantages et puis vous pourrez nous connaître, voilà. Exactement. Mais... Eh ben, sur ce, bonne journée. Merci à toi, Bernard. Passe une bonne journée et courage pour Aurélience. Salut, mon ami. Ok. Salut, Bernard. Vous aussi, vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00 sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, comme Bernard. On lui souhaite plein de bon courage. Ouais, un petit moment un peu difficile, on l'a passé, mais après, ça ira mieux. Les vacances, comme vous, qui êtes peut-être sur la route des vacances ou déjà de retour. Ouais, c'est ce que me dit Isa. Elle me dit, ça y est, 15 jours, déjà le retour. Et ça passe vite. 21 juillet, imaginez-vous. Ah là là. Nos invités, tout à l'heure, Liberté, les combats de l'ombre, le son et lumière de Cléry, seront dans nos studios pour nous parler de ce spectacle qui démarre demain, du 22 juillet jusqu'au 22 août. Alors, c'est pas tous les jours, je crois, mais on en parlera justement avec notre invité tout à l'heure, qui sera là pour nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, comment s'est tourné ce spectacle avec tous les bénévoles. Ouais, il y a une grosse mise en place. On en parlera, ce beau spectacle qui arrive demain, Liberté, les combats de l'ombre. Et puis, on aura aussi un autre invité aux alentours de 8h30. Il s'appelle Pascal. Il veut protéger les quais de la Loire. Nuisances sonores, déchets, détritus, etc., etc. Il en a marre, il est riverain. Eh bien, il nous parlera de son ras-le-bol tout à l'heure à 8h30 en direct sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 24 Magic, ça arrive. Et puis le son latine avec Loca Paso. Belle journée, 96.2 FM. admirant de la musique. Belle journée sous le soleil. Eh ouais, il va briller aujourd'hui quand même, malgré ce départ un peu nuageux sur Orléans, Olivet ou Saint-Jean-de-Bray. Ça va démarrer, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à 26 degrés aujourd'hui, voici Darina Vitry. Laisse-moi tes bandits à la planète. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours. C'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Exprimer mon amour, je vais juste aimer. Juste aimer, bah oui, ça fait du bien d'être aimé le matin à 7h22, comme moi peut-être au café, ouais, tranquillement dans les studios. Ouais, on était surpris, j'étais surpris par la fin du titre. Bah ça arrive, hein, on est déconcentré, on est au café, à la cafette là, tranquille, on va être avec vous. Salut Léla, qui est connectée du côté de la chapelle Saint-Mémin, qui nous souhaite une belle journée, avec le soleil qui devrait pas tarder à arriver. DJ Ademar, Boy Teddy, j'ai décidé. Essas tuas brincadeiras, só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby.

La météo du côté de Pithiviers, Fayolloges, encore Main-sur-Loire, Orléans, Fleury-les-Aubrais. Le ciel est couvert ce matin, mais le soleil devrait faire son apparition en quelques heures avec quelques petits nuages. Les températures au lever du jour, 16 degrés pour quand même dépasser les 28 voire 29 degrés. Voilà encore une belle journée qui s'annonce sous le soleil de la radio Arc-en-Ciel. Deux invités aujourd'hui, on va parler du festival de l'été qui arrive, le son et lumière de Cléry, Liberté, les combats de l'ombre, on en saura plus tout à l'heure, ça démarre demain. Et bien notre invité nous parlera en détail de tout ce qui va se passer du côté de Cléry. Ça va faire du bien, un peu de spectacle comme ça après le Covid, revoir du monde et des beaux beaux spectacles, et celui-là était mouvement et plein de sensations. Liberté à ne pas rater aux alentours de 8h notre invité, et 8h30 notre deuxième invité, ça sera au téléphone Pascal. Il a créé un groupe sur Facebook, Protège Teke, un ras-le-bol, les incivilités, les détritus, le bruit. Un riverain de la ville d'Orléans qui nous en parlera, il s'appelle Pascal, il sera au téléphone avec nous à 8h30 pour nous parler justement de tout ça et de ce groupe qu'il a créé, Protège Teke. On vous protège ce matin avec Tony Carrera qui arrive, vous l'adorez, sur Radio Arc-en-Ciel avec Lisbonne sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. Do alto do bairro, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olhando para o Tejo eu vejo a noite cair, e em Alfama o fado já se faz ouvir. Quantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com um lenço à janela. Adoré ce radar en ciel, c'est ça que c'est bon le matin pour vous réveiller en pleine forme. Francky dans la radio, merci d'être là, d'être aussi nombreux tous les jours sur Orléans. Olivier, Fleury-les-Aubrais, Lucenzo, wind up, belle journée.

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa mi pena. Avec Elvis Crespo et tout sonrisa. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est tranquille. Et bravo au zoo de Beauval, le zoo de Beauval qui a recueilli mardi plus de 80 animaux venus du zoo de la Teste en Gironde. Vous savez, le zoo qui était près des flammes, les animaux ont été évacués d'urgence. Les animaux sont fatigués mais en bonne santé, ce que dit le médecin du zoo de Beauval. Leur retour près du bassin d'Arcachon n'est pas encore prévu, mais vont voir se reposer et se ressourcer à Beauval. Voilà une bonne initiative. Belle journée avec du son carré. One of Feeling sur Radio Arc-en-Ciel. L'époque de Flashdance, revue et corrigée par Son of Legend. Belle journée, 7h48 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. I'm bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Sur Radio Arc-en-Ciel avec le son de Kenji, Girac et Andalous. Le ciel est ensoleillé ce matin avec quelques nuages. On vous en parle justement. La météo. La météo pour aujourd'hui, eh bien, ciel couvert un petit peu ce matin, mais le soleil va faire son apparition aux alentours de midi avec des éclaircies, quelques petits nuages quand même. Les températures au lever du jour, 16 degrés pour atteindre les 29-28 degrés sur Orléans, Pithiviers, Fayolles ou encore Saint-Jean-de-Bray. Belle journée, 7h54, notre invité Baptiste qui est dans les studios. On va parler de liberté, les combats de l'ombre, son et lumière de Cléry. On en saura plus dans moins de 5 minutes. Le spectacle, ce beau spectacle qui va démarrer demain, eh bien notre invité est bien arrivé dans les studios, on en parle avec lui, on va tout savoir sur les coulisses et sur ce joli spectacle qui démarre, je vous le disais, demain. Gims qui arrive et notre invité dans moins de 5 minutes. Voici Tu vas me manquer sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil à Orléans. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Tout me semble fou, j'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent, plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Ton absence, je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu. C'est Francky, il est bientôt 8h, notre invité qui est là, Baptiste, on l'accueille. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et ça me fait plaisir de le retrouver dans les studios après 4-5 ans, on va dire. Baptiste, Liberté, les combats de l'ombre, le son et lumière de Cléry. On dirait dans les studios, bonjour Baptiste. Bonjour, bonjour ça à va, tous. Ça va bien la forme? Très bien, ouais, un peu fatigué. Un peu fatigué, voilà, bah mais... ouais, grosse préparation. Ouais. On s'était vu il y a quelques années déjà, quand je t'ai aperçu dans les studios, je dis ah, bah oui, vieille connaissance. le spectacle, il démarre demain. Baptiste, alors on va expliquer un petit peu. Alors toi, ton rôle au sein de Liberté, les combats de l'ombre. Moi, je suis bénévole. Alors, je suis le vice-président de l'association. Mm-hmm. J'occupe un peu de la communication. Et puis, comme beaucoup de bénévoles, je joue dans le spectacle. Tu joues, tu fais quoi comme rôle? Moi, je joue le rôle du médecin. Du médecin. Village. Ah, ouais. C'est un rêve pour toi peut-être un jour d'être médecin. Je le suis déjà en fait dans la ville. Oui, c'est vrai que tu bosses un petit peu. Ouais, d'accord. Quand même. Liberté, les combats de l'ombre. Alors, on peut expliquer ce que c'est comme festival, comme spectacle. Et ben, c'est un si grand... on peut appeler ça un spectacle, parce que bon, c'est un peu... Dire que c'est un spectacle, c'est un grand spectacle vivant, c'est un son et lumière, en fait, qui parle de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance. C'est le principe du son et lumière de Cléry. En fait, on raconte chaque année, chaque été, une page, en fait, de l'histoire de France. Ouais. On a fait plusieurs spectacles sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance, la Révolution française, et depuis 2018, on joue ce spectacle sur... la résistance et la Seconde Guerre mondiale. Ouais, les combats de l'ombre, pourquoi? C'est vrai que la résistance, c'est ce qu'on appelle le combat de l'ombre. Oui, voilà, c'est ça. Pour essayer de lutter contre ce fléau allemand de l'époque, malheureusement. Voilà, tout à fait. Ce qu'on cherche à raconter, à évoquer dans ce spectacle, c'est justement les résistants, donc les gens qui, dans l'ombre, à leur niveau, puisque voilà, ça a mobilisé plusieurs personnes, se sont mobilisés pour résister face à l'occupant et à la barbarie nazie. Ouais, côté logistique pour ce beau spectacle son et lumière, ça ne va pas être facile quand même parce qu'il faut du monde, il faut du matériel. Comment s'organise justement tout ça? Il y a un metteur en scène, il y a un chorégraphe, il y a... C'est une organisation qui se déroule tout au long de l'année. Hein. C'est un an de préparation pour faire le spectacle. Vous avez des bénévoles. Hein. On est 300 sur le projet. Où voilà, certains s'occupent de réaliser les décors, d'autres réalisent les costumes, d'autres s'occupent de la restauration. Voilà, il y a plein de choses à faire, et puis donc c'est tous les bénévoles qui s'en occupent tout au long de l'année. Et puis pour la mise en scène du spectacle, oui, on a deux metteurs en scène qui s'occupent de mettre en scène les 200 acteurs qui sont sur scène. Justement, c'est facile à gérer 200 acteurs comme ça en très peu de temps. Ça demande du travail. Travail. Parce qu'on n'est pas forcément habitué quand on est bénévole. Surtout que parmi les bénévoles, en fait, on est tous amateurs, quoi. Il n'y a pas de comédiens professionnels. Donc on fait ça par passion, pour le plaisir. Mais voilà, comme il y a une volonté de faire un beau spectacle, chacun amène la pierre à l'édifice. Voilà, et sérieux amène sa rigueur. Et puis on essaye de travailler, de donner le meilleur de nouvelles. Ça démarre comment alors, pour raconter un petit peu le spectacle? L'histoire. Ouais, l'histoire. Mais en fait, on va pas tout raconter parce qu'on va laisser le suspense. En fait, on part du début de la guerre. En fait, la première scène, en fait, parce qu'en fait, vous allez suivre à travers le spectacle l'histoire en fait d'un village. Alors c'est un village fictif, hein, mais qui est représentatif d'un village qu'on pourrait retrouver ici à la frontière la Beauce, la Sologne et le Val de Loire. Et en fait, on va suivre l'histoire de ces habitants du village qui vont vivre les événements de plein fouet et qui vont devoir s'adapter aux nouvelles conditions. Donc le spectacle commence quand on apprend en fait la déclaration de la guerre, le début de la guerre, jusqu'à la libération d'Orléans et de Beaugency. Et donc on va suivre différents personnages bien sûr face à ces événements. Vous allez avoir différentes réactions des gens qui vont essayer de vivre tant bien que mal un peu les événements qui arrivent. D'autres qui vont décider de collaborer, hein, pas plus mal. Et puis d'autres qui vont trouver ça inacceptable et qui vont essayer de se battre et de résister. Qui vont monter justement la résistance, les combats de l'ombre, c'est de là vient le terme justement. En tout cas, un beau spectacle qui démarre demain. Vendredi, c'est ça? Ouais. À quelle heure ça démarre? Alors le spectacle est à la nuit tombée, hein, puisque c'est un spectacle nocturne, donc on démarre vers 22h15, 22h30, et on a 2 heures de spectacle. J'ai vu que le teaser, il y a un teaser qui a été fait à Chalette-sur-Loing. Oui. C'est dans le musée, c'est ça? Oui, en fait. Cette scène, c'est quoi? Alors, en fait, ces teasers, c'est que chaque année, on essaye de faire une petite bande-annonce, mais. Pour annoncer le spectacle. Voilà, ouais. Version un peu cinéma. On montre pas des images du spectacle directement, mais on essaye de faire un film en décor naturel. On a découvert du côté de Chalette-sur-Loing, donc le musée d'école Fernand Boutet, en fait, mm-hmm. qui ont reconstitué dans un musée en fait une salle de classe d'antan de l'époque, ouais. Donc en partenariat avec la ville de Chalette-sur-Loing, ils nous ont autorisé gentiment à tourner dans cette école. Donc un petit teaser que je laisse les gens découvrir sur les réseaux son et lumière de Cléry, vous pouvez le retrouver ce teaser. Tu parlais donc de 200-300 bénévoles, c'est énorme. Et pourquoi pas un jour avoir un professionnel de la télé, je sais pas, un acteur connu pour intégrer l'équipe, non? Ça vous est jamais venu à l'idée? Ou c'est peut-être le budget aussi? Pourquoi pas après le... Moi, je dis ça comme ça, je sais pas, un Bruel ou un mec comme ça, ou tu vois, un Clavier, je sais pas, qui pourrait... Faut voir s'ils sont intéressés pour rejoindre l'association. Non, mais ça sympatage de... Après, l'idée de... C'est vraiment quoi le son lumière de Cléry, c'est vraiment une association. Ouais. Donc l'idée c'est de rassembler des gens dans une aventure humaine, donc des gens différents qui veulent ensemble construire un projet à la fois associatif, ouais, culturel, historique. Donc on cherche pas forcément des vedettes, les vedettes c'est les bénévoles, quoi, voilà. Et justement ça a été facile, il y a eu un casting pour recruter 300 bénévoles? Non, vous avez lancé un message et on... Alors, en fait c'est 300 bénévoles, c'est depuis des années en fait finalement qu'on agrège toute cette équipe, hein, puisque l'association elle a plus de 25 ans et ils nous rejoignent chaque année des nouvelles personnes qui sont intéressées par le projet, qui a envie de avoir une expérience de théâtre, ou même pas, hein, puisque tous les bénévoles ne jouent pas, mais qui sont intéressés par le projet, qui veulent s'investir d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être à travers les décors, ça peut être à travers la technique, ça peut être à travers la couture. Ouais. En fait, on accueille tout le monde, en fait, toutes les personnes qui veulent rejoindre. On a forcément une compétence, un talent, une passion que l'on peut mettre au service du son lumière. Comme on fait tout nous-mêmes, ouais, c'est un peu 10 associations en une. Vous avez, c'est un club de théâtre, c'est un club informatique, c'est un couture, c'est un atelier bricolage, jardinage. Voilà, c'est, on a différentes manières de s'investir au sein du spectacle pour En tout cas, un sacré investissement. Et puis au niveau costume, fringues, il faut retrouver des fringues de l'époque, ou comment on s'organise? Chacun avait un peu chez lui peut-être et qui ressemble plutôt D'habitude sur les précédents spectacles on avait une équipe de couturières qui concevait l'intégralité des costumes. Là pour ce spectacle ça a été un petit peu différent, il y a à la fois des costumes qui ont été créés, qui ont été réalisés par ces couturières. Après on a fait effectivement beaucoup de recherches tout à fait dans les vides-greniers auprès d'autres associations pour dénicher comme ça des costumes, et puis même dans les greniers ou dans les armoires des habitants, des bénévoles. Les bénévoles, Moi personnellement j'ai des costumes qui ont été faits, puis j'ai une veste qui appartenait à mon grand-père. Donc je le porte sur scène. Effectivement il y a un côté symbolique de le porter, donc on a parfois nos propres ressources en fait de costumes. Toi, le rôle de médecin, ça a été un choix personnel, ou alors on te l'a proposé, ou alors tu as demandé? Non, ça c'est le metteur en scène. Après ça te va bien, tu fais dans la vie. Voilà, on est quelques-uns comme ça. Non, en fait c'est Olivier Join qui est le président de l'association, mais qui est aussi le scénariste et le metteur en scène du spectacle, qui a écrit le spectacle et qui, en écrivant le spectacle, a imaginé tel rôle pour telle personne. Et effectivement, je joue le rôle du médecin. Je suis médecin dans la vie. Mais il y a d'autres personnes comme moi dans le spectacle qui retrouvent un peu qui ont le même métier à la fois à la ville et puis au moins, sur scène. Tu sors pas du contexte. Voilà, comme ça on est dans le. Et c'est ce que t'as à faire. C'est dans le sujet. C'est un beau sujet. En tout cas, ça démarre demain, vendredi. Alors c'est jusqu'au combien, Baptiste? En fait, on a 8 représentations. Donc ça commence demain, 22 juillet, et on joue jusqu'au 6 août. En fait, c'est les week-ends. C'est les week-ends, le soir. Ouais. Voilà, on peut retrouver toutes les informations sur Son et Lumière de Cléry, sur la page Facebook notamment, sur Internet. Hein. Ouais. Et là, on peut acheter des billets en ligne, c'est que en ligne? Alors, vous pouvez, oui, principalement en ligne, hein, ouais, sur ouais. notre billetterie, sur notre site internet cléryraconte.com. Vous avez une billetterie en ligne, vous pouvez réserver vos billets, il y a un système de e-billets, donc c'est assez pratique. Vous pouvez toujours acheter vos billets aussi dans les offices de tourisme, l'office de tourisme d'Orléans ouais. ou les offices de tourisme à Cléry ou à Beaugency à Main-sur-Loire, après par téléphone ou par courrier. Aussi sur place, mais ça c'est avec compliqué. Le risque ouais, que j'ai vu, il y a pas mal de Croix-Rouge, c'est-à-dire que c'est complet, c'est les Croix-Rouge. Il y a certaines, alors pas là pour l'instant, il reste des représentations, ouais. des places pour toutes les représentations, mais il y a certaines qui sont déjà ouais, assez remplies, vite. Donc ça, voilà, il y a un risque en venant le soir même. Qu'on dise bah non c'est complet, on a déjà vendu toutes les places, donc on conseille aux gens de réserver. Voilà, mais en tout cas un beau spectacle qui démarre demain, Liberté, les combats de l'ombre. Vous retrouvez notre invité Baptiste en médecin, qui est médecin déjà dans la vie, mais son rôle principal ça sera médecin, et tous ces bénévoles, ça c'est super important de le préciser, de cette belle association qui tous les ans œuvre pour faire du beau spectacle. L'année prochaine c'est prévu quoi, si on peut avoir un peu le à la bouche? Alors l'année prochaine on va jouer le même spectacle, ouais. Sûr, on joue cette année celui-ci, encore l'année prochaine, et après on sait pas encore. Vous avez pas des idées, non, comme ça qui passe? Non, parce que alors l'année prochaine ça fera la cinquième année. On ne sait pas encore si on change de thème, si on continue ouais. Sur ce spectacle, ou si on refait un autre spectacle sur la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas, mais en changeant un petit peu de scénario. Tout est ouvert, on va y réfléchir là durant l'automne ouais. pour voir ce que l'on fait. Mais justement, toi qui es médecin, justement, l'année dernière ça a dû être compliqué avec le Covid pour tout le monde. Il n'y a pas eu de spectacle. Alors on n'a pas joué en effet en 2020. Ouais, 2020. Avec le Covid en effet. Et en 2021, au niveau de l'été, au niveau printemps-été, il y a eu une amélioration et on a réussi quand même à jouer le spectacle l'année dernière avec des protocoles sanitaires, avec des recommandations. Ouais, mais on a quand même réussi à faire notre spectacle. Et on remercie d'ailleurs le public qui a répondu présent et qui est venu nombreux lors de cette édition. Ah là, cette année, ça va éclater maintenant que on espère, il n'y a aucune raison. Il là, fait beau. Ouais, c'est beau. Il n'y a plus de restrictions. Voilà, donc, c'est ça. Il faut, on encourage tous les gens à venir nous voir. Et bien voilà, on vous encourage et ça démarre demain, Liberté, les combats de l'ombre. Merci à toi, Baptiste. Merci beaucoup, Franck. D'être venu en parler de ce beau spectacle qui démarre, je le rappelle, demain et tous les week-ends jusqu'au 6 août. C'est ça. Voilà. Donc, à ne pas rater. Allez sur la billetterie en ligne, foncez prendre votre billet, parce que si vous venez sur place, c'est pas sûr que vous ayez une place. Hein. Après, ouais. C'est un petit conseil de Baptiste, voilà. Médecin. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Franck. Passe une belle journée. Merci, bonne journée. Sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel, notre invité ce matin, Baptiste, Liberté, les combats de l'ombre. de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. To take it slow, count one to three, and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want. Is the game. What I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy, 'cause I see what you want. It's ok, 8h19, bon réveil et belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, c'est la fête nationale en Belgique. On voulait leur souhaiter plein de belles choses. Voilà, Bistromaï, il arrive justement. Il est belge, j'attends bien. La fête nationale en Belgique avec Papa Outé, le remix de la radio. Belle journée et courage à vous si vous allez au boulot ce matin, 8h19. On est en direct. Papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. À ça, c'est papa, dis-moi où est-ce que j'ai, ça doit. 8h22 sur Radio Arc-en-Ciel avec le Belge. Une bonne fête nationale à tous les Belges qui nous écoutent une fois. Ah bah oui, on est comme ça. Si vous nous écoutez en Belgique, eh bien vous m'appelez 02 38 43 48 00. Il sera dans moins de 10 minutes avec nous au téléphone. Pascal, il a créé un groupe sur Facebook. Protège Teke, oui, un ras-le-bol. Les détritus, l'insolité, le bruit, marre, ras-le-bol. Il nous en parlera en direct à 8h30 sur la Rancelle au téléphone. Il sera avec nous sur le 96.2 FM. Belle journée avec du soleil qui arrive jusqu'à 29 degrés. Et Los Lobos, belle journée, bon réveil. Un petit solo comme ça, rien que pour faire plaisir. Attention, je prends la guitare, on y va. Hey. Ma part, lâche le boss. Il meurt à la fin dans le film. Ah, trop tard. Je vous rappelle le spectacle, hein, les combats de l'ombre sur la résistance, la liberté. Ça démarre demain, c'est en ligne. Si vous voulez acheter votre billet, bah, n'hésitez pas à aller voir ce beau spectacle, les combats de l'ombre. Combien de temps? Eh bien, hein, il arrive dans moins de 5 minutes. C'est Pascal avec nos téléphones. Juste avant, c'est le meilleur de la musique avec Stéphane Hetcher. Et justement, combien de temps? Eh bien, c'est tout de suite. Belle journée et bon réveil, bon petit déj, sous la douche peut-être, au boulot, au bureau, sur le chantier, sur les toits comme M. Farléa qui nous écoute. Bon dia, M. Farléa. Bon dia aussi à Michel qui nous écoute sur Saint-Jean-de-la-Ruelle. Eh bien, il arrive au téléphone, c'est Pascal avec nous. Combien de temps? On adore ce clip. Il passe son temps à se rouler sur la pelouse, sur la plage. En tout cas, un bon souvenir. Stéphane Hetcher, fin 80. Belle journée, 8h30. Il arrive avec nos téléphones, notre invité, c'est Pascal. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Protège, Tiki, c'est un ras-le-bol, direction les quais de la Loire, justement, avec Pascal au téléphone avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Francky. Comment il va bien? Bonjour l'équipe. Ah bah ça va, t'as la patate ce matin, toi, dis donc. Ah bah oui, comme tous les matins. Comme tous les matins, avec l'eau. Il faut l'avoir. C'est ça, avec du soleil aujourd'hui encore, et un petit peu moins chaud quand même, hein. C'est agréable. Un peu, mais ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, et puis c'est bon pour la planète, le soleil. Parlons-en de la planète. Ouais. Justement, on va en parler de la planète, pas de grands mots ce matin, mais à part en live. Voilà, c'est ça. Un groupe que tu as créé déjà, on va en parler, Protège tes quais, les quais de la Loire, on va parler. Pourquoi avoir créé ce groupe, Pascal, aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est un ras-le-bol général par rapport à... Ça remonte à 6 ans, puisque ça fait 6 ans que... Ça fait 36 ans que je suis sur Orléans et 36 ans que j'habite sur les bords de Loire. Mmh. Donc, je connais bien un petit peu le secteur. Et un ras-le-bol général parce que il y a cette pollution qui vient, ces gens qui ne respectent rien, qui mettent des papiers par terre, qui dégradent, qui salissent, ouais. Malheureusement, qui salissent ces magnifiques bords de Loire, et je pense qu'il y a matière à faire. Et être écouté par rapport à ça. Et c'est vrai que bon, la ville d'Orléans a même mis les choses quand même pour faire des bouquets de Loire, etc. Et puis derrière, ben, ça lit du bruit, etc. Pour toi, c'est comme tu le dis, c'est un ras-le-bol alors. C'est un ras-le-bol général. Donc voilà. Donc j'ai été voir Monsieur Montillon. On en a déjà parlé. Ouais, il y a pas de souci là-dessus. Voilà. L'adjoint Monsieur Groire. Moi, je suis ouvert pour en discuter. Voilà. Mais après, il faut pas se voiler la face. Il faut voir la vérité en face. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, les patrouilles de police, c'est pas de passer sur l'esplanade, c'est de descendre sur les bords de Loire à flot, au bord de l'eau. Voilà, là, ça, c'est là que ça se passe. C'est là le cœur du problème, alors, pour toi. Exactement, mmh. Le cœur du problème, et même sur l'esplanade, les cyclistes qui ne respectent rien, enfin bon, voilà, alors qu'il y a une piste de vélo qui a été créée, il y a des scooters, il y a un peu tout, enfin, tout est mélangé. En plus, il y a des enfants qui, malheureusement, heureusement, qui peuvent bénéficier de cette esplanade, mais sauf qu'il y a un danger. Il y a un réel danger quand il y a affluence sur les quais. Voilà. Yeah. Avec les guinguettes et tout ça, c'est bien d'avoir créé ça, au contraire. Avec ouais, ça dynamise un peu. Ouais. Voilà, c'est ça, et c'est bien, parce que on dit toujours, oui, Orléans, il se passe rien. Au moins, l'été, depuis quelques années, il se passe vraiment des choses. Mais après, les choses, il faut les faire respecter aussi, et c'est par la sécurité, et que les gens respectent aussi ces magnifiques bords de Loire. Ça serait dommage que les guinguettes s'arrêtent du jour au lendemain, ouais. Et que tout ça soit terminé. Donc, je reviens sur la sécurité. Ouais, justement, je vais t'en parler. Voilà. Et c'est les patrouilles de police, la municipalité ou la nationale, il faut qu'ils descendent vraiment au flot, parce que la Loire est à ras, et donc il y a des quais en bas, exactement. Et pourquoi les mariniers aussi, je les défends aussi, parce que ils font partie du quotidien et de ma vie au quotidien, puisque moi je vis sur les bords de Loire. Et on crée des pontons pour éloigner les bateaux de la bordure, parce que tous les matins, quand ils récupéraient leurs bateaux, c'était l'anarchie de bouteilles, de... Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, les pontons ont été créés. Après, il y a eu quand même du vandalisme dans les bateaux. Donc, voilà, on a de la chance d'avoir cette marine de Loire qui est à nos pieds. Ouais. Et c'est dommage de les déstabiliser. Et puis, voilà... Ils sont là pour nous au quotidien, ils font de magnifiques balades avec le public, voilà, donc ça serait dommage que tout ça s'arrête. Toi, tu dis le groupe donc s'appelle Protège la Loire, Protège tes quais. Protège tes quais, pardon. La Loire aussi, en même temps, c'est bien de la protéger. Bien sûr, tout à fait. Ça, mais alors, les solutions pour toi aujourd'hui, parce qu'on dit protège les quais, ok. Pour toi, les solutions, concrètement, ça serait quoi, Pascal? Les solutions, c'est déjà que les gens prennent conscience eux que quand ils le consomment, ils peuvent manger. Et voilà, il y a pas d'interdit, mais au moins qu'ils ramassent les détritus et qu'ils les mettent dans les poubelles qui sont à disposition. En plus, que les poubelles sont multipliées pendant la saison, donc autant en profiter. Après, ouais. Il faut qu'aussi, vu mes photos qui sortent sur le protège des quais, il faut qu'après les gens de la voirie, de la municipalité ramassent. Ah oui, il faut ramasser. Ouais. Bah oui, bah voilà. Parce qu'on arrive à un moment, c'est vrai que si les poubelles sont pleines à craquer, bon, c'est compliqué de jeter dans les poubelles. Hein. C'est ça. Bien après, bah il y a le vent, il y a les oiseaux, il y a tout ça. Enfin tout ça, ça permet de multiplier tous ces détritus qu'on puisse voir là. Et puis le verre devrait être interdit, quoi. Je veux dire, maintenant au niveau du verre, il faut faire quelque chose. Il faut que les commerces, mais que les gens prennent conscience que voilà. Il y a des animaux. Moi, j'ai un chien. Je peux plus le promener sur les pavés parce que il y a plein de verre, de tessons de bouteille. Et à savoir que quand un chien se fait cisailler son poussin, ça c'est compliqué. Très cher chez le véto. Ouais, voilà. Et c'est compliqué à guérir en plus. Après, c'est long. Et c'est compliqué à guérir. En plus, c'est ça. Voilà. Donc c'est un petit peu un ras-le-bol général par rapport à ça. Ça fait 6 ans que je milite, mais là, c'est la première année que je suis enfin écouté par les ondes des médias aussi. Mmh. Hein, puisqu'il y a la mairie aussi t'écoute. Tu as été reçu par Monsieur Montillo ou Serge Boire? J'ai été reçu par Monsieur Montillo il y a quelques mois. Après les élections de Monsieur Boire. Et donc, on avait super bien discuté en plus. Voilà, donc moi, je suis ouvert à ça. Apparemment, ils ont plus très envie de m'entendre, mais bon, après c'est pas grave, je veux dire voilà. Aujourd'hui, il faut construire avec les résidents parce que je suis un peu le porte-parole des quais, parce que tout le monde gueule, mais personne ne sait rien. C'est-à-dire, il y a du monde qui habite sur les quais, on le voit. Toi tu gueules, les gens doivent gueuler, mais on ne fait rien malheureusement. Ouais, gueuler c'est bien, mais agir c'est mieux aussi. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai créé Protège tes quais, de manière à tous les gens qui nous écoutent ce matin, s'ils peuvent nous rejoindre et puis nous réconforter et nous aider aussi par rapport à ça, on avancera plus. Voilà. Moi, s'il n'y a rien de fait au niveau de la municipale aujourd'hui, je vais faire une pétition. Les résidents sont complètement d'accord pour signer cette pétition et pouvoir agir en fonction et de remonter cette information à la mairie. Voilà. On parlait aussi de nuisances sonores. J'ai vu quelques débats là-dessus. C'est-à-dire, on parlait des gaguettes, ça n'a rien à voir. Mais c'est des gens de l'extérieur, des gens qui viennent avec des enceintes amplifiées. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Et voilà. Après, c'est surtout l'après guinguette. En fin de compte, voilà, une fois que les guinguettes vivent, et encore, ça peut arriver que tout ça se mélange. Mais c'est l'après. C'est après. Entre 1h et on va dire 4h du matin, hein, ouais. c'est pas possible. En plus, ils descendent, ils sont sur les quais en bas. J'insiste et je mets le point là-dessus. Ouais. On voit sur les renforts de plage l'été, les agents ils se déplacent sur la plage, ils vont contrôler les gens. Ouais. Les patrouilles ne font que passer en fin de compte sur l'esplanade en voiture, mais ils n'interviennent pas en bas. Faut descendre, messieurs, il faut descendre. Il faut descendre sur les quais. Voilà. Et moi j'avais une idée, pourquoi pas créer une espèce de brigade fluviale, tu vois, avec un petit et arriver. Et là ça serait surprise, tu vois ce que je veux dire. Ouais, hein, mais Francky, ça fait encore des frais encore supplémentaires. Ouais, mais après c'est la sécurité des gens, c'est ça qu'il faut voir. Je vais me faire des ennemis à la mairie là. Non, mais c'est pas ça. Moi je suis ouvert, je veux bien discuter. Voilà, je pense qu'il y a des solutions à apporter. Monsieur Montillo va faire va mettre en place des radars sonores pour prendre des voitures qui font du bruit, parce qu'il y a des ronronnements aussi des voitures. Ouais. C'est infernal, les motos quand ils se mettent à wake sur les quais, c'est exprès pour se montrer. Des voitures avec les grosses cylindrées, voilà, qui ont, je sais pas, je suis pas très voiture, mais bon, voilà. Attends, ils ont créé des dodanes quand même sur tout le long pour éviter justement les pointes de vitesse. Ça n'empêche pas, malheureusement, ça n'empêche pas. La vitesse n'est pas respectée. On n'en a pas parlé, mais au mois de juin, il y a encore une voiture qui s'est retrouvée sur le capot, qui est du Châtelet, voilà. Parce que les gens roulent trop vite, il y a eu déjà des accidents. Et moi, je pense que comme c'est l'été, en plus, il y a des gens qui se promènent. Des enfants, on n'a pas forcément toujours la surveillance, qui peuvent partir sur le côté. Si le gamin il se retrouve là au même moment, ça peut faire mal. Ramassé par la voiture, voilà. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir une protection par rapport à ça, voilà. Ouais. Très bien, Pascal. On a écouté ton message ce matin, écouté ton appel. Je vous invite à aller voir ce groupe qui s'appelle Protège tes quais, qui a été créé par toi, Pascal. Oui, tout à fait, c'est moi. Allez rejoindre le groupe, hein, et puis essayez d'être solidaire et faire moins de bruit et puis moins de déchets, c'est super important. Mais ça, c'est, il y a pas que sur les quais, je pense, Pascal, c'est aussi en général. C'est partout. Hein, c'est commun, mais bon. Là, depuis les masques aussi, c'est pareil, des masques, on en voit partout, des poubelles, on en voit partout. J'ai vu tes photos là sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que c'est dégueulasse. Et puis, il faut aussi penser à vider les poubelles aussi. Hein. Et puis, il faut, il y a même cet arrêté contre l'alcool. Mais ça continue quand même. Ouais, voilà. Ça continue. En tout cas, Pascal, on a pris quelques minutes pour lancer ton appel ce matin. Ben, merci à vous. Ouais. Bon, on est là pour ça aussi, hein, nous, voilà. Hein. On lance l'appel à la mairie d'Orléans, voilà, à Monsieur Montillo et toute son équipe. Voilà, ben merci Francky, merci à toute l'équipe de Arc-en-Ciel. Et puis passez une très bonne journée. Merci. Salut, Pascal. Merci. Et n'hésitez pas, Protège tes quais. Voilà, Protège tes quais sur Facebook, allez rejoindre le groupe. Merci, bonne journée Pascal. Merci, salut Francky. Salut. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo.

Bruxelles en direct ce matin, 96.2 FM. Merci à Pascal qui a témoigné ce matin. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Protège Kéké. Oui, plus de papier, plus de masque, tout ça, faites moins de bruit, et c'est super important pour tout le monde. À l'époque, il était beau gosse, il est toujours beau gosse. Bon, il a morflé quand même un peu, mais on l'aime bien. Voici Jean-Luc Ley et Femme. Simplement, je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi, femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Ça va vous rappeler des bons souvenirs, ça, les années 80 avec Jean-Luc Ley, Femme, 8h49. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est fou. Bah oui, on vous réveille et puis moi je vais partir en vacances un petit peu, donc on va se retrouver après fin août, hein. Bah oui, comme tout le monde à la radio part un petit peu en vacances, bah moi aussi, voilà. Du soleil aujourd'hui jusqu'à 29 degrés, ça c'est la bonne nouvelle, voilà. Le soleil va briller, les nuages sont un petit peu là ce matin, mais un petit peu de canicule encore. En tout cas, en forêt d'Orléans, l'alerte rouge est levée, il y a toujours des patrouilles de pompiers, et hier il a plu, donc ça a pu arroser un petit peu le jardin, et puis il est là, c'est la star de la radio, c'est Algemiro qui arrive dans quelques minutes. Bonjour Algemiro. Bonjour Francky, tu vas bien? Ah, j'ai vu que t'avais un truc sur la tête là. Ah bah voilà, tu vois, c'est la fête lundi. Ouais, t'es cascadeur, t'es bellement. Non, bah ça arrive, c'est dommage parce que tout s'est bien passé le week-end. Ouais, on a fait la fête. Hein. On a a fait bien une belle fête, il y avait du monde, faisait beau. C'est ça. Et puis, bon, bah, lundi, on a tout ramassé, on a tout nettoyé le parc et tout, puis on ramène. Bang, les... c'est tombé sur ta tête. On a ramené tout ça à la cave, là, et puis, bah, j'ai trébuché sur un petit truc, et puis j'ai tapé la tête. L'essentiel, c'est que t'es toujours là. Voilà, je suis là, bon, bah, c'est passé, ça va bien, tout va bien, voilà. Mais bon, c'est dommage que c'est fini comme ça, quoi. Il a fini aux urgences. Toi, t'es un bonhomme, t'es solide. Oh. Ah oui. Mais bon. Bon, ça va. Juste avant toi, il y a un médecin qui est venu en interview. Donc, j'aurais pu te soigner. Hein, c'était un médecin. Ouais, mais il fait le son et lumière de Cléry Saint-André, là. Ah, d'accord. Mais il est médecin dans sa vie aussi. Okay. Donc, j'aurais pu, toi, au pire, t'aider. C'est pas un problème, Algérie. Non, non, ça va. J'ai eu quelques points et puis. Ça me rassure. Non, ça va. Bon, bah, ça va. Quelques points de suture, ben, voilà, ça va s'arranger dans ça quelques jours. Ouais, voilà, belle journée avec toi. L'émission qui est dans moins de 10 minutes. Voilà, dans, oui. Alors, le programme, c'est quoi aujourd'hui? Ah, bah, toujours des chansons des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, quelques fados pour ceux qui aiment bien le fado. Qui aiment le fado. Juste un ou deux, comme ça, pour certains gens qui aiment bien. Et puis voilà, et puis quelques dédicaces aussi à partir de 11h. Ah ouais, dédicaces aussi chez Algemiro, on peut le retrouver, vous pouvez l'appeler au 0238 43 48. Ils appellent, les gens ils appellent, bon bah j'ai envoyé une petite chanson, c'est normal. Ouais, tu leur envoies ça à travers le téléphone, voilà, ça passe bien. Bon, en vacances pour toi bientôt, non, Portugal? Pas pour l'instant, non. J'ai pas décidé, je vais voir, si normalement je vais partir un peu quand même. Ah bon, voilà, bah, ça va te faire du bien. Voilà. Eh bien, on va t'accueillir à la radio. Allez, à tout de suite. Bonne journée à toi aussi. Merci Algemiro. On dirait qu'il arrive dans moins de 3-4 minutes, juste après la... ce qui fait vivre un peu les radios, c'est la pub. Bah ouais. Bon, et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marguenot, 1 rue de l'Orme-Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.